présence diabolique est en allusion, Seigneur. Prenez-le sans effet. Prenez-le sans effet. Beaucoup en aimant. Voyons de ta si maman. Il y a beaucoup de gens qui compliquent dans le Dieu culte. Prenez-le sans effet brisé. Prenez-le sans effet et brisé. Prenez-le sans effet et brisé. On ne permet pas dans le Dieu. Tout esprit père qui va s'élever pour compliquer le culte de ce soir. Nous brisons cet esprit par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune éternelle de Dieu. Esprit qui va travailler ce soir. Que seul de ton esprit, seule ta présence éternelle de Dieu. Ou qu'on aime, il va te dire comme on ne voit éternelle de Dieu de ce culte. Et par le nom puissant de Jésus. Prends possession, dis à Dieu, toujours dans la même atmosphère. Je prends possession de ce culte. Je prends possession de ce lieu. Prions dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, je prends possession de tout esprit qui me poursuivait. Vous ne pouvez ni le sans effet. Prions dans le nom de Jésus. Sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous devons faire, c'est confesser et déclarer. Il y a quatre noms bien mon. Qui ont été les diables à repasser quoi qu'on met la maïsha yam. Mauvaise surprise. Qui ont été quoi pas batoto yam ou quoi pas maïsha yam. Il quoi nani akanisa. Mungu quoi annulé. prions dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prononcer. Commence à déclarer. Par la puissance que Dieu nous a donnée. Dis à Dieu, je refuse la mort. Je refuse la maladie. Tout esprit qu'on a imposé sur ma vie. Je refuse et je brise par le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous voulons passer à la louange. Pendant qu'on nous donne un bon chant, nous louons ensemble. Oh! Oyo akataka makambo na ngaye Oyo akomisanga biyemba yemba Yende Yesu masia na pona Oyo akomisanga bibi na bina Yewane mobala libala Maloba na ye kitisaka motema Yango na kanga mina boi basusi aleluye Oyo akomisanga biyemba yemba Yende Yesu masia na pona Oyo akomisanga shushu na bina Yewane mobala libala Maloba na ye kitisaka motema Yango na kanga mina boi basusi aleluye Sobe, mwana nampate atombo milelo Pwete ngaina yoto bikisama Soki yotalie yoko bikisama Soki yotalie yoko kangolama Soki yotalie bomo yeko change Yewane kuna Oh yewane Yewana, Oh yewane Ole lila lile kuna Oh yewane Sobe, mwana nampate atombwa milelo Pwete ngaina yoto bikisama Soki yotalie yoko bikisama Soki yotalie yoko kangolama Soki yotalie bomo yeko shanje Yewane kunana, oh yewane Yewana, yewane Oh yewane Nalingiye sika na salela ye Nalingiye sika na yembela ye Hallelujah, nakosina yu nyambia twende nyumbani mwa baba twende twende acclamer pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle position que tu peux prendre. Mais au moins prends une position qui te permettra bien adorer Dieu. Laisse-lui la place. Lui celle qui mérite. Est-ce que tu peux commencer à lever maintenant ta voix? Commence à monter en esprit. Je ne sais pas qui est Dieu dans ta vie. Je ne sais pas quelle place tu peux lui donner. Lui, il est plus que l'argent. Lui, il est plus que nos vêtements. Lui, il est plus que tout. Besoin, tu puisses juste dire deux ou trois mots. Ce que tu fais et ce que tu continues à faire. Tu es ma protection, tu es tout pour moi. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ta grâce. Même dans le domaine du souffle de vie, demeure Dieu. Même quand les gens refusent de t'adorer, tu demeures Dieu. Rien ne change chez toi. Rien ne change. Dans le moment le plus difficile, tu es Dieu. Dans le moment qui semble être difficile, tu demeures toujours Dieu. Dans la maladie, tu es Dieu. Que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer correctement pour le Seigneur des seigneurs, le maître du ciel et de la terre, le Dieu de gloire, le roi éternel, Jéhovah Jireh est son nom. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Mungu atubariki mangaribi ya leo. Tunafurahi kuwa ndani ya nyumba ya wa milele mangaribi ya leo. Nous disons merci à Dieu. Dieu a souffle de vie. Mungu anatupatia mangaribi ya leo. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Disons merci à papa pour cette marque de confiance. Na mangaribi ya leo, nous sommes devant vous pour parler de la part du Seigneur. Le sous-thème du mois est intitulé comme suit. Ce n'est qu'une illusion. Alléluia. Ce n'est qu'une illusion. La vie que tu mènes là, n'est qu'une illusion. Nous lisons la parole de Dieu, Juges chapitre 6, le verset 10 à 14. Juges chapitre 6. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. vous ne craindrez le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Amen. Nous lisons Marc chapitre 5. À partir du 24e verset, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Ce n'est qu'une illusion. Depuis le début de l'année, nous parlons sur un thème très important et plusieurs hommes de Dieu on parlait de ce passage en nous révélant beaucoup de choses, des grands mystères de la part de Dieu. La Bible nous dit, pendant 7 ans, Israël était sous l'oppression de l'ennemi. Ariche mon malheur yangoufoussa. Il était sous l'oppression de l'ennemi. Israël a songwa kabisa na madou. Les Madianites. Wa Madiani. Ce peuple est devenu plus fort qu'Israël. Taifa ilikuwa nguvu kabisa kushindia Israël. Pendant 7 ans. Kadiri ya miaka 7. Or le sous-thème de l'année. Diapo kishina kidoko ya mwaka. Le sous-thème de ce mois. Nous dit que ce n'est qu'une illusion. L'illusion, c'est une représentation qui n'est pas du tout correcte. Une représentation, une fausse représentation. Maintenant que nous sommes comme Maïsha Moya, quelqu'un est dans une telle vie. Aïna il n'a pas chakouish. Ce n'est pas la vie qui doit mener en réalité. Or Israël. Dans le plan de Dieu. Israël devait quitter de l'Égypte. Vers la terre promise. Dans cette terre-là. Israël devait vivre en repos. Israël est passé couissé quand il a ostaré. Mais ici la Bible nous dit 7 ans. Biblia nasema miaka saba. Israël. Israéli. Dans le malheur. Katika ole. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Parce que barapasha kurima. Parce que devrait cultiver. Na enemy ranza kubeba biote. L'ennemi prenait tout. Na bivuko biabo. Et le bétail? L'ennemi prenait tout. Alikuwa na beba biote. Pendant 7 ans. Kadiri ya miaka saba. La vie d'illusion. Maisha ya udanganyifu. S'arrête un jour. Itasimama kwa siku moja. S'arrête un jour. Siku moja paka isimame. Oh, il y a un jour. Siku moja. Que cette vie là. Ile maisha. Doit s'arrêter. Sherti isimame. Parce qu'il y a un Dieu. Sababu Mungu moja kwa. Capable de nous faire sortir. Eko mukimo ya kuondosha. De cette situation. Ile hali. La Bible dit c'était pendant 7 ans. Biblia inasema ni kadiri ya miaka saba. Pendant 7 ans. Miaka saba. Dans la souffrance. Pendant 7 ans, miaka saba, dans un état compliqué, hali ya mufuruko kabisa. Or Dieu, japo huyu Mungu, était leur Dieu, wa milele huyu Mungu. Mais ils étaient dans le malheur. Lakini wao walikuwa katika hali ya ole. Bien-aimé, la vie d'illusion, mapendwa, maisha ya udanganyifu, c'est une vie qui a un temps. Iko na wakati yake. C'est une vie qui a des limites. Iko na mipaka yake. C'est une vie qui s'arrête un jour. Maisha moyo siku moyo itasimama. Cette vie-là a une fin. Ile maisha iko et la seule personne na ule mutu qui peut mettre fin à cette vie, anaweza kusimamisha ile maisha, c'est Jésus-Christ seulement. Paka Yesu peke yake. Ce n'est pas ta force. Haina nguvu yako. Ce n'est ni ton frère. Haina ta ndugu yako. Ni ta sœur. Wala dada yako. Ni ton vouloir. Wala kutaka kwa. Mais Dieu lui-même Mungu est capable de te faire sortir de là. Ya kutosha mwile maisha. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps kadiri ya miaka ile saba, de souffrance, kwani ya mateso kabisa, Israël a oublié Israël alisahau qu'il y a un Dieu ya kama Mungu ekwa. Capable. C'est lui qui peut le délivrer de cette situation. Alors un jour, pendant que Gédéon battait le froment, l'ange est venu vers lui. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais avant cela, dans cette malheur là, Israël, la Bible dit, a crié. Israël aliweza kulalamika. Il a crié à l'Éternel. C'est pour dire na kusema tena hivi, qu'il n'y a que Dieu ni paka Mungu qui est capable. Kumukimo. Alléluia. Amen. Mungu peke yake. Dieu seul. Dieu anaweza kututosha Mungu. Qui peut te délivrer de cette situation. Israël a crié. Israël alalamika à l'Éternel. Est-ce que mwile wakati kuna pitisha? Na l'état où tu passes maintenant. Mwile période kuna pitisha. Na la période dans laquelle tu passes. Mwile maisha huku nae. Na la vie dans laquelle tu es. Maisha ya mahangaiko. Oh, une vie de souffrance. Maisha ya kuria kila wakati. Une vie de pleurs chaque jour. Maisha ya machozi. Une vie kule maisha de ya maumivu. Une vie là où tu es. Est-ce que tu as au moins un temps? Basi ni wakati moja. Crier à Dieu. Est-ce que tu as crié à l'Éternel? Celui qui crie, il cherche. Il cherche secours. Il cherche le secours. Il cherche le secours. Il cherche le secours. Bien aimé, nous devons avoir un moment dans la vie, quand tout ne marche pas, de crier à l'Éternel. Crier comment? Le seul qui est capable yeye kuna uwezaji ya kututosha de cette vie d'illusion. Mwile maisha ya udanganyifu. Et le prophète est venu en Israël. Na nabii alikuwa Mwisraeli. Il a dit à Israël. Alisema na Israël. Moi Dieu, je vous ai fait monter de l'Égypte. Mi Mungu nimetosha mu Misri. Asema mimi nimetosha mu Misri. Je vous ai fait partie de l'Égypte. Sous l'oppression de l'ennemi. Chini ya kusongwa na hadui. Mais amukushikie. Mais vous n'avez point Donc le plan de Dieu, c'est un plan de paix. Le plan de Dieu, c'est un plan de repos pour ses enfants. Quelle que soit la vie que tu mènes, pour Dieu, c'est un chemin qu'il a tracé pour t'amener à ta destinée. Dieu a prévu dans son plan une destinée de repos pour toi et pour moi. Mais il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Le passage que nous venons de lire dans l'évangile de Marc, la Bible nous fait voir cette femme malade. Elle était malade pendant 12 ans. Elle a souffert. Elle a beaucoup dépensé. Elle était misérable. Elle avait des problèmes chaque jour. Parce que tous ces docteurs, ces médecins qu'elle a consultés, personne n'a pu la délivrer. La vie de souffrance a une fin. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, la Bible nous dit que cette femme, malgré la souffrance, malgré la maladie, quand même elle avait des moyens, elle a fait quelque chose de très important. Elle s'est décidée elle-même. Elle a pris la décision de s'approcher, de Dieu, de s'approcher du Seigneur. Parce qu'elle a cru qu'il y a quelqu'un qui est capable de changer ma vie, d'apporter un changement à ma santé. Elle a pris la décision de s'approcher de ce Dieu. Devant les problèmes, devant les situations, tu as toujours pris quelle décision? Et n'a consulté personne. Elle-même, elle s'est décidée de s'approcher de Dieu. Parce que de temps en temps, elle voyait les médecins pour chercher sa guérison. Mais cette fois-ci, elle a pris une décision. Une décision. Une bonne décision. D'aller vers le Seigneur. Une bonne décision. De s'approcher de Dieu. Une bonne décision. Bien aimé, il y a des fois, la décision est de nous consultons les hommes avant de prendre une décision. Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu poses la question à ton voisin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'obéir et faire se soumettre à la volonté de Dieu. Mais cette dame mama a pris une bonne décision. Devant les problèmes, où prendre décision, Dieu. Tu prends quelle décision? Devant les situations de ta vie. Comment tu prends la décision devant les difficultés? Mais elle a pris une bonne décision. Aller vers le Seigneur. S'approcher de Dieu. Le secours qui ne manque jamais. Il y a un secours qui existe dans les moments difficiles, dans cette vie-là éphémère, dans cette vie qui paraît comme correcte, Or, ce n'est pas cette vie. La maladie, c'est pour la mort. Mais Dieu te donne la vie pour t'amener à ta destinée. Alors, cette femme, elle s'est approchée de Dieu. Un jour, par rapport aux décisions, pourquoi je dis ça? Nous devons faire attention quand il faut prendre une décision dans la vie. Un roi, le jour de son anniversaire, il a organisé un festin à son honneur. Il a invité ses collaborateurs pour fêter ensemble avec eux. À un certain moment, comme il était emporté par la joie, une de ses filles commençait à danser. Elle a dansé. Alicheza. Et le roi était joyeux. Na mufalme alifurahika kabisa. Il s'est approché de sa fille. Alimukaribia msichana wake. Pour lui dire, tu as bien dansé. Sema ulicheza vizuri kabisa. Maintenant, demande-moi tout ce que tu veux. Sasa unilombe kiote unatafuta. Même la moitié de mon royaume. Ata sehemu ya ufalme wangu. Te donnerai. Mimi nitakupatia. Sa fille est allée voir sa maman. Msichana wake alienda kumuona mama yake. Écoute ce que papa a dit. Il a dit telle chose. Que dois-je demander? Sa maman lui dit, à cause de la haine, va dire à ton papa, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et c'était comme ça que Jean-Baptiste est passé par la mort à cause de la décision que le roi avait pris ce jour-là. Moi, je pense que dans notre vie, même dans l'église, les décisions que nous devons prendre aïta tout éloigné du Seigneur. Ça non. Ne va pas trop nous éloigner avec le Seigneur. Une bonne décision nous ramène près du Seigneur. Une bonne décision nous pousse à aller vers Dieu. Une bonne décision nous pousse à avancer davantage dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Que personne ne t'arrête à cause de la décision de quitter, abandonner la voie du Seigneur. Que personne ne t'arrête. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Nous ne pouvons jamais nous arrêter parce que quelque part dans le secret nous nous sommes consultés et prendre des décisions, lâcher la voix de Dieu, abandonner servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais cette femme malade, elle a pris la décision d'aller vers le Seigneur, d'aller vers le Seigneur, de se tourner vers Dieu. Kumugeukia Mungu. Kumugeukia Mungu. Se tourner du côté de Dieu. Kumutafuta Mungu. Il a cherché Dieu. Juu ya maisha yake. Pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle se disait? Ndani angekuwa anasema kana nini? Si seulement kama tu je peux toucher sa robe, nikiguse upindo kanji yake, je serai guéri. Tatuziwa pale pale. C'est ce qui est arrivé. Il est fiki atene. Parce qu'elle s'est décidée. Sababu alikamata mpango. D'aller vers le Seigneur. Ya kumwendea Bwana. Alléluia. Amen. Et quand l'ange dira, wakati malaika alisema, à Gédéon, Gideoni, l'Éternel est avec toi. Wa milele ni pamoja nao. Vaillant héros. Pour Dieu, malgré la souffrance, Gédéon était le vaillant. Quand même il est né dans une famille pauvre, Dieu voyait Gédéon, un héros. Mais tout ça, il ne comprenait pas. C'est pourquoi j'ai dit au début, l'illusion, c'est une vie erronée. Une fausse vie. Maisha ya uongo kabisa. Maisha mweko naonekana sana njo ile. Setirifiki pare comme étant aina ile. Mese ni pana vraie vie. Dieu te réserve une vie. Mungu anakuchungia maisha moja. Avec Dieu il y a une véritable vie. Sababu yeye anakuwa na maisha ya kweli. Aina ile huko naishi. Là où tu vis. Aina ile huko naishi. Ce n'est pas ce que tu vis. Ile ya malari. Ile ya kuhangaika. Là où tu souffres. Ile ya kuria. Là où tu pleures. Il y a une vie que Dieu nous réserve. Maisha anatuchungia. Une vie que Dieu nous réserve. Maisha ni Mungu anatuchungia. Mais Dieu tupate ile maisha. Pour que tu aies cette vie. Nous devons prendre la décision. Kama taka mpanga. D'aller vers Dieu. Ya kumwenda yeye Mungu. Sasa wewe unaendaka wapi? Mena toi tu vas où? Unaendaka kwa nani? Toi tu vas chez qui? Je bénis le Seigneur. Nambariki Bwana. Je bénis notre papa. Nabariki tena mchungaji. Pour cette rotation des serviteurs. Là, chez nous, Dieu a fait quelque chose. Par un passage d'un homme de Dieu. D'ici. Le jour où il a prêché. Il a parlé. Après, nous sommes entrés en prière. Arrivé le dimanche. Une maman s'est tenue debout. Pour témoigner ce que Dieu a fait. Elle a souffert pendant 13 ans. Étant dans le mariage. À cause du passage de cet homme-là. Dieu l'a touché. C'est pourquoi je dis. Bandoukou imaïsha illusion. Ikuna mwisho. Il y a une vie que Dieu te réserve. Alléluia. Amen. Dieu n'organise pas quelque chose au hasard. Wabure. Le passage des hommes de Dieu ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu réserve pour toi. C'est pourquoi il ne faut jamais rater les rendez-vous avec Dieu. Tu as eu et quand est-ce que Dieu te visitera? Mais ta visitation, c'est aujourd'hui. Ce soir, Dieu veut changer ta vie. Parce que la vie qui te dérange, ce n'est qu'une illusion. Dieu est capable de changer cette vie. Alléluia. Amen. Cette femme, elle est allée vers le Seigneur. Nous l'acceptons. Malgré que nous souffrons, nous acceptons. Ah, je suis malade. C'est comme ça que ça se passe. Même si j'entre dans ma famille, même mon grand-père souffrait de cette maladie. Même mon papa aussi. Même mon grand-père est tel. Nous acceptons bonnement. Et nous laissons que la chose évolue comme ça. Nous évoluons que nous allons comme ça. Or, c'est une vie. Ah, c'est une maïsha. D'illusion. Ya. Une vie erronée. Ni maisha ya uongo tu. Ça doit changer ce soir. Sherti badrika mangaribi leo. Ça doit changer ce soir. Sherti badrika mangaribi leo. Avec notre Seigneur. Moja na wetu Bwana. Ce soir, il faut prendre une décision. Mangaribi leo kama ta kumpanga. De dire non à cette vie. Yakusema hii maisha hapana. Cette femme a autant dépensé. Huyu mwanamke alipoteza fedha yake ya mingi. Elle a beaucoup dépensé. Lisez bien ce passage. Pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de malheur. 12 ans de difficulté. 12 ans de perte de sang. Jour et nuit, elle souffrait. Qui pouvait la prendre en mariage? Moi, je pense que sa vie. Baricoler Nanjina. On a collé mes mains. Par rapport à sa vie. Mais elle a compris. Qu'il y avait un Dieu. Le Seigneur. Oui, ni bwana. Il pasha ni mukaribi. Il fallait que je m'approche de il lui. Il pasha ni mutafute. Il fallait que je le cherche. Na maisha yangu igeuke. Toute sa vie. Elle était guérie. Elle ouvre sa bouche. Et ce soir. La mangaribi à lèvres. Et toi et moi. Oui, un ami. Nous avons besoin. Ton aitajia. De ce Dieu-là. Ya oye mungu. Parce que Dieu est capable. Oye mungu na kimo. Le plan qu'il a avec nous. Ya kutoka matin. C'est un plan de paix. Un plan de paix. Ah, et qu'on a matengrezo moya mzuri. Pour nous amener dans le repos. Tu n'as pas le repos. Jour et nuit, tu souffres. Mais on est chica. Tu acceptes cette situation. Décide-toi ce soir de quitter cette vie. Car tu as un Dieu. Un Dieu capable. Alléluia. Amen. J'ai un Dieu capable. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu capable. Il faut chercher ce Dieu-là pour que les choses changent. C'est possible, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible. Dieu est capable. Et j'ai compris quand j'ai lu le livre de Juges, 7 ans. Mais après 7 ans, il y avait une autre vie. Alléluia. Amen. L'illusion. L'illusion. Cette vie d'illusion s'arrête un jour. Un jour. Avec le Seigneur. Et ce soir, est-ce que tu peux crier aussi à ce Dieu pour que cette vie d'illusion s'arrête et que tu possèdes la vie réelle selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons 3 intentions de prière. Dis d'abord merci à Dieu. Dieu, il est maïsha, aina il est mungu anakutakia. Cette vie dans laquelle tu vis, en tout cas, ce n'est pas ce que Dieu mungu kuna maisha ila anakutakia. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Maisha ya repos. Une vie de repos. Maisha ya soulagement, ya bénédiction. Une vie de soulagement et de bénédiction. Maisha ya prospérité. Une vie de prospérité. Maisha ya eri. Une bénédiction. Maisha inetasindikizwa. Une vie qui sera accompagnée. Na baraka ya Mungu. Avec la bénédiction du Seigneur. Je napenda mubariki mbele Mungu. Mangaribi ya leo. Ce soir. Sema Dieu merci. Tu dis Dieu merci. Merci Seigneur. Dieu vimi kunangaika. Haina mu plan yako. Mungu mimi kunangaika. Mangaiko yangu kuna mwisho. Mangaiko yangu kuna mwisho. Magumu yangu kuna mwisho. Tu haina Mungu ananitakia hayo. Iko erone. Ce soir napenda bariki Mungu. Par ta prière. Alléluia. Prie bien-aimé. Prie, dis merci. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur Dieu. Tu as soutenu. Je crois Seigneur que tu as un plan merveilleux. Namaisha yangu. Binabariki jina lako. Tu es maisha ni kunaishi. Aina ile Mungu nanitakia. Maisha nanitakia. Ni maisha ya amani. Ni maisha ya baraka, ni maisha ya ushindi, ni maisha ya maendeleo, ni maisha ya mapumziko. Bwana ubarikiwe, Bwana asante, asante e Mungu, sababu ya wakati kama hiyo. O Mungu ubarikiwe, ubarikiwe mfalme wetu, ubarikiwe Bwana wetu, ubarikiwe Mungu wa mbinguni. Najua kwamba ilizio Bwana, maisha ilizio. Une vie erronée, ndani yangu, munyumba yangu, mukazi yangu, hikuna mwisho, sabu wewe Mungu, uko Mungu nanitakia, mema juu ya maisha yao, ubarikiwe Bwana, mangaribi ya leo, Ndani ya jina la Yesu. Nous voulons dire à Dieu. Parce que Dieu a dit à Israël. Uyu Mungu alimwambia Israël. Kusema ni yeye Mungu alibatosha mu Misri. Lui seul Dieu qui les a fait partir de l'Égypte. Mwile mambo inaanza kubateswa. Celui-là qui le inaanza kubangaisha. Celui-là qui le faisait très mal. Minapenda useme na Mungu mangaribi ya leo. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir. Mungu bile bitu biote biku nangaisha maisha ya. C'est celui-là qui me fait mal dans ma vie. Maisha ya Égypte. La vie de l'Égypte. C'est une vie de souffrance. Maisha ya mateso. C'est ça la vie dans l'Égypte. Je kuishi kwa Egypte. Maisha ya matabu. La vie de souffrance. Maisha ya kuria. La vie de pleurs. Maisha ya buchungu. La vie d'amertume. Maisha ilikuwa buchungu ya watoto wa Israël. La vie était d'amertume, la vie d'Israël. En Égypte. Au Misri. Ils ont crié à Dieu. Mlalamikie Mungu. Mimi napenda ulalamike kwa Mungu. Sema Mungu bila bitu biote. Oh, dans toutes ces choses, Seigneur. Nikunahangaisha maisha yangu. Fais souffrir ma vie. Mangaribi ya leo. Asesoa. Nikunahangaisha santé yangu. Nikunahangaisha nyumba yangu. Fais souffrir ma vie. Nangaisha batoto yangu. Mina biote biku nangaisha kazi yangu. Lo mina biangusha. Mina bikatala. Kwa jina la Yesu. Mumaisha yangu. Komanza priye. Katala kwa jina la Yesu Kristo. Mangaribi ya leo. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Bwana wakati. Kama yo e Mungu. Bwana nakuja mbele yako. Ndani ya jina la Yesu. Mine na kukatala maisha ya Misri, maisha ya Egypte. Mina ikatala maisha ya Egypte. Ilikuwa ni maisha iliweka Israel dans le malheur, dans les difficultés, dans une situation compliquée. Magharibi ya leo Bwana, katika jina lako, mina katala au nom de Jésus. Mina katala kwa jina la Yesu. Mina katala Mungu maisha ya mateso. Mina katala ile maisha ya illusion, la vie erronée. Mina katala Bwana, mina katala ile maisha kwa jina la Yesu. Mina katala ile representation ya maisha ile inakorekte devant toi, ile maisha inakorekte imposé par le monde, imposé par les liens. Kwa jina la Yesu. Mangaribi ya leo. Mina ikatala. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Bwana wakati kama hiyo. Yesu mina katala. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mangaribi ya leo Bwana. Mina katala. Maisha ya tabu, maisha ya machozi. Mungu mujina la Yesu. Ile l'Egypte alituempoze katika jina la Yesu. O Mungu, na kuitajia e Bwana mangaribi ya leo. Onekana. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous voulons dire à Dieu. Tunapenda kumwambia tena Mungu. Délivre-nous. Utuokoe. De la main de ceux. Mikono ya bale. Qui nous opprime. Wanatusonga. Mungu atufungule. Que Dieu nous délivre. Mu mikono ya bale bako natuangaisha. Cela qui nous opprime. Sijue ni nini kuna kuangaisha. Je ne sais pas c'est quoi qui vous opprime. C'est quoi le problème? Tatizo ni nini? Qui te fait troubler? Kuna kuangaisha. Jésus est le trouble. Alléluia. Jésus est le trouble. Ah, yes, Dieu aba fazaisha. Qui fait troubler? Aba fazaisha. Le trouble qui trouble nos vies. Ce soir, je m'appelle au semaine à Mungu. Mina penda Bwana. Mangaribi ya leo. Unifungule. Maisha yangu. Nyumba yangu. Kazi yangu ifunguliwe. Mumikono ya bale beko natufanyia bibaya. Ce qui nous font du mal. Ce qui nous opprime. Mujina la Yesu. Même sur le plan spirituel. Tunapenda mangaribi ya leo. Tuangushe. Tuangushe. Mungu a tout délivré. Mumikono ya bale bona tu opprimé. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Prie avec force, bien-aimé. C'est une prière de combat. angusha, angusha, angusha, pomona, funja, ile biote, ile biote, Mungu akudelivre, magharibi ya leo, di main des oppresseurs, mutina la Yesu, Mungu magharibi ya leo, mina sema Bwana, mina angusha, mauwezo yote, iko na oppressé, maisha yangu, Mungu mina tosha, Mungu mina sema, délivrer maisha yangu, délivrer nyumba yangu, délivrer chama yangu, délivrer Bwana, kanisa, magharibi ya leo, mumikono ya ba oppresseur, dans le nom puissant de Jésus, Bwana magharibi ya leo, katika jina lako, Bwana wakati kama hiyo, tunakuya mbele ya, tunangusha Bwana, kwa jina la Yesu, tunapomona, kwa uwezo yako, tunafunja, kwa jina la Yesu, Mungu tunasema, maisha yetu, ipate kuwa libere, iwe libere, maisha yangu, sante yangu, kazi yangu, nyumba yangu, batoto yangu, doa yangu, maproje yangu, maaktivite yangu, mikono, butumishi yangu, upate kuwa delivre, dans les mains des oppresseurs, au nom de Jésus, dans les mains de ceux qui nous oppriment, ce soir, katika jina la Yesu Kristo, nasema maisha, ifunguke, maisha yetu, ifunguke Bwana, mujina la Yesu, oh Bwana, wakati kama hiyo, il n'y a que toi, Jésus qui peut nous délivrer, c'est pourquoi Seigneur, éternel, oh Dieu, tunakuja mbele yako, magharibi ya leo, katika jina la Yesu, nasema Bwana, Yesu fungule, sababu wewe uko Mungu, jina la Yesu. Et pour terminer, tu vas dire à Dieu, waweza kumaliza, mwambie Mungu hivi, je refuse, mina katala, je refuse, la vie d'illusion, maisha ili, mina ikatala, nekatala, maisha yangu, jemereke mafi, maisha yangu, dama fi, musante yangu, dama sante, mina katala, je refuse, dani ya jama yangu, dama fami, mukazi yangu, dama mbulo, muma aktivite yangu, dama aktivite, mukazi yangu, dama mbulo, mubutumishi yangu, dama, mina katala, je refuse, i maisha ya illusion, la vie d'illusion, mujina la Yesu, Jesus, mangaribi ya leo, ce soir, sema na Mungu nifikishe, unifikishe, oh, mudestine yangu, unifikishe, mudestine yangu, kwa jina la Yesu, pri bien aimé, katika jina la Yesu, sema na Bwana, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, la vie d'illusion, au nom de Jésus, mina katala, maisha illusion, mina katala, mudina la Yesu, santé à illusion, mina katala, kazi ya illusion, mujina la Yesu, na katala, butumishi ya illusion, au nom de Jésus, nasema e Bwana, Yesu nifikishe, Baba tufikishe, mudestine yetu, unifikishe Bwana, mudestine yangu, katika jina la Yesu, magharibi ya leo, sababu wewe uko Mungu, ni kwa maana Yesu, tunakuya mbele ya uso yako, dans le nom de Jésus. C'est toi qui es Dieu. Et pour terminer, nous allons prier pour l'église. Que Dieu bénisse l'église. L'église source féconde. Mungu abariki kazi yote. Que Dieu puisse bénir toute l'œuvre. Mungu abariki programme yote ya mwezi. Que Dieu bénisse tous les programmes de ce mois. Nous prions aussi pour l'Ikasi Tador. Que Dieu nous donne les moyens. Mungu atupatie manamuna. Moyens financiers, matériels. Namuna ya vito kwa physique, kusudi le kazi fanike. Oh, pour que cette œuvre se fasse. Pour que tout l'Ikasi soit sauvé. Ili l'Ikasi yote okolewe. Nous prions au nom de Jésus. Ombe tena mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Ombe mchina la Yesu. Nous sommes toujours en prière. À chaque culte, on va commencer à laisser quelques minutes pour prier pour l'Ikasi Tador et pour les âmes. Kila ibada tunatukatia wakati kuombea l'Ikasi Tador na kuombea manafsi. Nous voulons prier pour ça. Tunapenda kuombea ile. Nous voulons dire au Seigneur. Ombe Bwana. La moisson est déjà prête. Basi mavuno yako tayari. C'est le temps de la moisson. Wakati ya kuvuna. Nous voulons voir Dieu. Tunapenda kumuona Mungu. Envoyer des anges ensemble avec nous. Atumebatu pamoja nasi. Pour réaliser ce grand travail. Tu ya kutimiza kazi mkubwa. Donc nous voulons prier pour nous-mêmes. Kisha tutajiombe si wenyewe. Parce que la Bible dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Bien sema ombe mkubwa wa shamba atume watenda kazi. Nous voulons prier pour l'église. Utaombe sasa kanisa. Toutes les églises sous fécond. Makanisa yote yatiamche mlauza. Tous les membres de l'église. Wa memba wote wa kanisa. Que nous comprenions la vision. Na tuelewe vizuri onyo. Et que nous marchions dans cette vision. Utembeye paka mwile onyo. Mais c'est très important. Ya kutosha kabisa. De comprendre la vision. Uelewe kwanza ile onyo. De marcher dans la vision. Na kutembea ndani ile onyo. Pour le salut des âmes. Wa ajili ya kuokoa nafsi. Nous allons prier. Tutaomba. Que le faible dise je suis fort. Wale wazaifu waseme tuko na nguvu. Que Dieu fortifie les faibles. Niweka katikati ya wazaifu. Que Dieu donne de l'intelligence. Wale wako na akili. Que Dieu donne du courage. Wale wako na akili. Que Dieu donne des initiatives. Tupatie mawazo mpya. Nous voulons créer un changement dans l'église. Tunapenda kuwe mabadiliko ndani ya kanisa. Par rapport à ce programme d'évangélisation. Ulinganisha na hii kazi ya upaso wa habari njema. Elevons nos voix et prions le Seigneur. Basi sauti yetu tunatuombe tena Bwana. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Au nom de Jésus de Nazareth. Jina la Yesu. Seigneur, tu as dit prier le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers. Oh Dieu. Envoie-nous, nous voici, envoie l'ennemi, envoie-nous dans ce travail, je te prie, Jéhovah, Jéhovah, envoie-nous, je te prie, je te prie, je te prie, et Jéhovah, souviens-toi de l'ennemi, souviens-toi de l'ennemi. Des ouvriers, des gens qui doivent se lever pour le travail. Au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Quand Jésus envoie les apôtres, il dit non, je voyais Satan tomber comme un éclair. Nous voulons voir Satan tomber pendant cette campagne. Les œuvres des ténèbres qui bloquent la vie des gens. Makazi ya ngize na bana maisha ya watu. Nous voulons que ces œuvres tombent. Tunapenda ile biote bianguke. Que le peuple soit libéré. Sasa makutano yote ifunguliwe. Entrer dans leur salut. Ingie katika wokovu yake. Dieu a préparé depuis les temps anciens. Ile Mungu alitayarisha tangia zamani. Elevons nos voix et prions. Basi sauti yako na tuombe tena. Prie maintenant. Omba, omba. Les œuvres des ténèbres. Omba, omba. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai détruit les œuvres des ténèbres pendant cette croisade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la délivrance du peuple de Dieu. Seigneur, tout celui qui était lié. Oh, ce soir, je proclame la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame cette délivrance à partir d'aujourd'hui qu'ils vivent la délivrance au nom de Jésus. Nous allons prier pour les âmes. Bien-aimés, il y a des gens qui peuvent faire de grandes choses pour ce pays. Mais ils sont bloqués par l'ennemi. Nous voulons réclamer leur âme auprès du Seigneur. Jésus a dit à Pierre. Yes, le moins bien vu, Petro. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié. Shetani alikudai alipenda kukalanga. Mais nous voulons prier pour les âmes. Wapenda tuombea manafsi. Notre amour pour eux. Upendo wetu kwa ajili yao. C'est maintenant. Ni sasa hivi. Que Dieu fasse grâce. Mungu afanye kunaema. Que les gens soient sauvés. Watu okolewe. Qu'ils viennent, qu'ils soient sauvés. Bakuye kisha baokolewe. Elevons nos voix et prions. Shimame na tuombe. Seigneur, nous prions pour ces âmes. Alléluia. C'est le temps du salut. Sante, yes. C'est le temps du salut. Au jour du salut, tu nous as exaucés. C'est le temps du salut, c'est le temps de la délivrance. Je prie pour les âmes, je prie pour les âmes, Seigneur. Toutes les âmes de l'Écassie. Oh Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous recommandons ton peuple. Merci, Jésus. Nous recommandons tout ce moment entre tes mains. Alléluia. Bénis ton église. Merci, Jésus. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Alléluia. Que ta grâce soit sur nous. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.